divine ciel. Cette note musique, cette couleur l'arc-en-ciel. Même si ou anglais, si ou français, sous ses payants ou bien créole, nous avons façon bien définie pour communiquer. C'est un bel cadeau qui sortit dans le ciel. Musique, c'est l'amour, c'est ça qui est plus belle. Les symboliser, l'union tout peuple qui soutient si là avec un pile d'amour. Ça va nous donner l'espoir. C'est pour nous-mêmes. C'est pour ça. Hey! Hey! Marchez, marchez, marchez, marchez.